pensando no filme, enfim, hoje é apenas um. En tout cas, j'étais bien à Raman. Pas jouer ça. On va prendre les gammes. Hi guys. Je suis déjà faudrait que j'écoute. Où est-ce que je peux écouter ça? Alors, attends, je reviens, je vais l'écouter. Thank you. Essaye de faire la batterie. Putain, j'avais 9 ans. 19 fort. Love is one of the strength when you survive.

Thank you.